Œuvre complète de Lamartine publiée inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Voyage de Beyrouth, à travers la Syrie et la Palestine, à Jérusalem. 8 octobre 1832, à 3h après-midi. Monté à cheval avec 18 chevaux de suite ou de bagages, formant la caravane. Couché au camp, à 3h de Beyrouth, même route que celle déjà décrite pour aller chez Lady Stanhope. Le lendemain, parti à 3h du matin, traversé à 5 le fleuve Tamour, l'ancien Tamiri, laurier rose en fleurs sur les bords, suivi la grève, où la lame venait laver de son écume les pieds de nos chevaux, jusqu'à Saïd, l'antique Sidon, belle ombre encore de la ville détruite, dont elle a perdu jusqu'au nom, point de trace de sa grandeur passée. Une jetée circulaire, formée de rochers énormes, enceint une darse comblée de sable, et quelques pêcheurs avec leurs enfants, les jambes dans l'eau, pousse à la mer une barque sans mâture et sans voile, seule image maritime de cette seconde reine des mers. À Saïd, nous descendons au camp français, immense palais de notre ancien commerce en Syrie, où nos consuls réunissaient tous les nationaux sous le pavillon de la France. Il n'y a plus de commerce, plus de Français, il ne reste à Saïd, dans l'immense camp désert, qu'un ancien et respectable agent de la France, Monsieur Giraudin, qui vit depuis 50 ans au milieu de sa famille toute orientale, et qui nous reçoit comme on reçoit un voyageur compatriote, dans le pays où l'hospitalité antique s'est conservée tout entière. Dîner et dormit quelques heures dans cette excellente famille. Douceur de l'hospitalité reçue ainsi. Inattendu et prodigué, l'eau pour laver, offerte par les fils de la maison, la mère et les femmes des deux fils, debout, s'occupant du service de la table. À 4h, monté à cheval, escorté des fils et des amis de la famille Giraudin. Course de Jerry, exécutée par l'un d'eux, monté sur un cheval arabe. À 2h de Saïd, adieu et remerciements. Marcher 2h encore, et coucher sous nos tentes à une fontaine charmante au bord de la mer, nommée El Kantara. Arbre gigantesque ombrageant toute la caravane. Jardin délicieux descendant jusqu'au flot de la mer. Une immense caravane de chameaux est répandue autour de nous dans le même champ. Nuit sous la tente, hennissement des chevaux, cris des chameaux, fumée des feux du soir, lueur transparente de la lampe à travers la toile rayée du pavillon. Pensée de la vie tranquille, du foyer, de la famille, des amis éloignés, qui descendent sur votre front, pendant que vous le reposez lourd et brûlant sur la selle qui vous sert d'oreiller. Le matin, pendant que les moucres et les esclaves brident les chevaux, deux ou trois arabes arrachent les piquets de la tente. Ils ébranlent le piquet qui sert de colonne, ils tombent, et les toiles larges étendues qui couvraient toute une famille de voyageurs, glissent et tombent elles-mêmes à terre en un petit monceau d'étoffe, qu'un chamelier met sous son bras, et suspend, à la selle de son mulet. Il ne reste, sur la place vide où vous étiez tout à l'heure établi comme dans une demeure permanente, qu'un petit feu abandonné qui fume encore et s'éteint bientôt dans le soleil, véritable, frappante et vivante image de la vie, employée souvent dans la Bible, et qui me frappa fortement toutes les fois qu'elle s'est offerte à mes yeux. De Kantara, parti avant le jour, gravit quelques collines arides et rocailleuses s'avançant en promontoire dans la mer. Puis, Du sommet de la dernière et de la plus élevée de ces collines, vois la tire qui m'apparaît au bout de sa vaste et stérile colline. Entre la mer et les dernières hauteurs du Liban, qui vont ici en dégradant rapidement, s'étend une plaine d'environ 8 lieues de long sur 1 ou 2 de large. La plaine est nue, jaune, couverte d'arbustes épineux, broutés en passant par le chameau des caravanes. Elle lance dans la mer une presqu'île avancée, séparée du continent par une chaussée recouverte d'un sable doré, apporté par les vents d'Égypte. Tyr, aujourd'hui appelée Sour par les Arabes, est portée par l'extrémité la plus aiguë de ce promontoire, et semble sortir des flots même. De loin vous diriez encore une ville belle, neuve, blanche et vivante, se regardant dans la mer. Mais ce n'est qu'une belle ombre qui s'évanouit en approchant. Quelques centaines de maisons croulantes et presque désertes, où les Arabes rassemblent le soir les grands troupeaux de moutons et de chèvres noires, aux longues oreilles pendantes, qui défilent devant nous dans la plaine, voilà la tire d'aujourd'hui. Elle n'a plus de port sur les mers, plus de chemin sur la terre. Les prophéties se sont dès longtemps accomplies sur elle. Nous marchions en silence, occupés à contempler ce deuil et cette poussière d'empire que nous foulions. Nous suivions un sentier au milieu de la campagne de Tyr, entre la ville et les collines grises et nues que le Liban jette au bord de la plaine. Nous arrivions à la hauteur même de la ville, et nous touchions un monceau de sable qui semble aujourd'hui lui fournir son seul rempart en attendant qu'il l'ensevelisse. Je pensais aux prophéties, et je recherchais dans ma mémoire quelques-unes des éloquentes menaces que le souffle divin avait inspirées à Ézéchiel. Je ne les retrouvais pas en paroles, mais je les retrouvais dans la déplorable réalité que j'avais sous les yeux. Quelques vers de moi jetés au hasard en partant de la France pour visiter l'Orient, remontaient seuls dans ma pensée. Je n'ai pas entendu sous les cèdres antiques les cris des nations monter et retentir, ni vu du noir Liban les aigles prophétiques descendre, au doigt de Dieu, sur les palais de Tyr. J'avais devant moi le noir Liban, mais l'imagination m'a trompé. Me disais-je à moi-même, je ne vois ni les aigles ni les vautours qui devaient, pour accomplir les prophéties, descendre sans cesse des montagnes pour dévorer toujours ce cadavre de ville réprouvée de Dieu, et ennemi de son peuple. Au moment où je faisais cette réflexion, quelque chose de grand, de bizarre, d'immobile, parut à notre gauche, au sommet d'un rocher à pic qui s'avance en cet endroit dans la plaine jusque sur la route des caravanes. Cela ressemblait à 5 statues de pierre noire, posées sur le rocher comme sur un piédestal, mais, à quelques mouvements presque insensibles de ces figures colossales, nous crûmes, en approchant, que c'étaient 5 Arabes bédouins, vêtus de leurs sacs de poils de chèvre noire, qui nous regardait passer du haut de ce monticule. Enfin, quand nous ne fûmes qu'à 50 pas du mamelon, nous vîmes une de ces 5 figures ouvrir de larges ailes, et les battre contre ses flancs avec un bruit semblable à celui d'une voile qu'on déploie au vent. Nous reconnûmes 5 aigles de la plus grande race que j'ai jamais vue sur les Alpes, ou enchaînés dans les ménageries de nos villes. Ils ne s'envolèrent point, ils ne s'émurent point à notre approche. Posés, comme des rois de ce désert, sur les bords du rocher, ils regardaient Tyr comme une curée qui leur appartenait, et où ils allaient retourner. Ils semblaient la posséder de droit divin, instrument d'un ordre qu'ils exécutaient, d'une vengeance prophétique qu'ils avaient mission d'accomplir envers les hommes et malgré les hommes. Je ne pouvais me lasser de contempler cette prophétie en action, ce merveilleux accomplissement des menaces divines, dont le hasard nous rendait témoins. Jamais rien de plus surnaturel n'avait si vivement frappé mes yeux et mon esprit, et il me fallait un effort de ma raison pour ne pas voir, derrière les cinq aigles gigantesques, la grande et terrible figure du poète des vengeances, d'Ézéchiel, s'élevant au-dessus d'eux, et leur montrant de l'œil et du doigt la ville que Dieu leur donnait à dévorer, pendant que le vent de la colère divine agitait les flots de sa barbe blanche, et que le feu du courroux céleste brillait dans ses yeux de prophète. Nous nous arrêtâmes à 40 pas. Les aigles ne firent que tourner dédaigneusement la tête pour nous regarder aussi. Enfin, deux d'entre nous se détachèrent de la caravane et coururent au galop, leurs fusils à la main, jusqu'au pied même du rocher. Ils ne fuirent pas encore. Quelques coups de fusil à balles les firent s'envoler lourdement, mais ils revinrent d'eux-mêmes au feu, et planèrent longtemps sur nos têtes sans être atteints par nos balles. Comme s'ils nous avaient dit, « Vous ne nous pouvez rien, nous sommes les aigles de Dieu. » Je reconnus alors que l'imagination poétique m'avait révélé les aigles de Tyr moins vrais, moins beaux et moins surnaturels encore qu'ils n'étaient, et qu'il y a dans l'esprit supérieur des poètes, même les plus obscurs, quelque chose de cet instinct divinateur et prophétique qui dit la vérité sans la savoir. Nous arrivâmes à midi, après une marche de 7 heures, au milieu de la plaine de Tyr, à un endroit nommé les Puits de Salomon. Tous les voyageurs les ont décrits. Ce sont 3 réservoirs d'eau limpide et courante qui sortent, comme par enchantement, d'une terre basse, séchée et aride. À 2 milles de Tyr, chacun de ces réservoirs, élevé artificiellement d'une 20aine de pieds au-dessus du niveau de la plaine, est rempli jusqu'au bord et déborde sans cesse. Le cours des eaux fait aller des roues de moulins. Les eaux vont à Tyr par des aqueducs moitié antiques, moitié modernes, d'un très bel effet à l'horizon. On dit que Salomon fit construire ces 3 puits pour récompenser Tyr et son roi Hiram des services qu'il avait reçus de sa marine et de ses artistes dans la construction du temple. Hiram avait amené les marbres et les cèdres du Liban. Ces puits immenses ont chacun au moins 60 à 80 pieds de tour, on n'en connaît pas la profondeur, et l'un d'eux n'a pas de fond. Nul n'a jamais pu savoir par quel conduit mystérieux, l'eau des montagnes peut y arriver. Il y a tout lieu de croire, en les examinant, que ce sont de vastes puits artésiens inventés avant leur réinvention par les modernes. Parti à 5 heures des puits de Salomon. Marché 2 heures dans la plaine de Tyr. Arrivé à la nuit au pied d'une haute montagne à pic sur la mer, et qui forme le cap blanc Oura et Labia. La lune se levait au-dessus du sommet noir du Liban, à notre gauche, et pas assez haut encore pour éclairer ses flancs, elle tombait, en nous laissant dans l'ombre, sur d'immenses quartiers de rochers blancs où sa lumière éclatait comme une flamme sur du marbre. Ces roches, jetées jusqu'au milieu des vagues, brisaient leur écume étincelante, qui jaillissait presque jusqu'à nous. Le bruit sourd et périodique de la lame contre le cap retentissait seul, et ébranlait à chaque coup la corniche étroite où nous marchions suspendus sur le précipice. Au loin, la mer brillait comme une immense nappe d'argent, et, çà et là, quelques caps sombres s'avançaient dans son sein, ou quelque antre profond pénétrait dans les flancs déchirés de la montagne. La plaine de Tyr s'étendait derrière nous, on la distinguait encore confusément aux franges de sable jaune et doré qui dessinaient ses contours entre la mer et la terre. L'ombre de Tyr se montrait à l'extrémité d'un promontoire, et le hasard, sans doute, avait seul allumé une clarté sur ses ruines, qu'on eût prise de loin pour un phare. Mais c'était le phare de sa solitude et de son abandon, qui ne guidait aucun navire, qui n'éclairait que nos yeux, et n'appelait qu'un regard de pitié sur des ruines. Cette route sur le précipice, avec tous les accidents variés, sublimes, solennels de la nuit, de la lune, de la mer et des abîmes, dura environ une heure, une des heures les plus fortement notées dans ma mémoire, que Dieu m'ait permis de contempler sur sa terre. Sublime porte pour entrer le lendemain dans le sol des miracles, dans cette terre du témoignage, tout imprimé encore des traces de l'ancien et du nouveau commerce entre Dieu et l'homme. En descendant du sommet de ce cap, nous eûmes la même vue qui nous avait frappés en le montant. Des précipices aussi profonds, aussi sonores, aussi blanchis d'écume, aussi semés de vastes brisures de la roche vive et blanche, s'ouvraient sous nos pieds et sous nos regards. La mer y brisait avec le même retentissement qui nous accompagna tout le long de la côte orageuse de Syrie, comme l'appellent les anciennes poésies hébraïques. La lune, plus avancée dans le ciel, éclairait davantage cette scène à la fois tumultueuse et solitaire, et la vaste plaine de Ptolémaïs s'ouvrait devant nous. Il était 9 heures du soir, au mois d'octobre, nos chevaux, épuisés par une route de 13 heures, posaient lentement leurs pieds ferrés sur les roches pointues et luisantes qui forment les seules routes en Syrie, gradins irréguliers de pierre, sur lesquels on n'oserait risquer aucune monture en Europe. Nous-mêmes, accablés de lassitude, et frappés surtout de la grandeur du spectacle et des souvenirs pressés de la journée, nous marchions silencieusement à pied, tenant nos chevaux par la bride, et jetant tantôt un regard sur cette mer que nous aurions à traverser pour revoir nos propres fleuves et nos propres montagnes, et tantôt sur la cime noire, longue et sans ondulation du mont Carmel, qui commençait à se dessiner aux dernières limites de l'horizon. Nous arrivâmes à une espèce de camp, c'est-à-dire à une masure à demi détruite, où un pauvre arabe cultive quelques figuiers et quelques courges, entre les fentes des rochers, auprès d'une fontaine. La masure était occupée par des chameliers de Naplouse, apportant du blé en Syrie pour l'armée d'Ibrahim. La fontaine était tarie par les chaleurs de l'automne. Nous plantâmes néanmoins nos tentes sur un sol couvert de pierres rondes et roulantes, nous attachâmes nos chevaux au piquet, et nous bûmes, avec économie, quelques gouttes d'eau fraîche qui restaient dans nos jarres des puits de Salomon. Depuis la plaine de Tyr et l'abaissement des montagnes, l'eau commence à manquer. Les fontaines sont à 5 ou 6 heures de distance les unes des autres, et souvent, quand vous arrivez, vous ne trouvez plus, dans le lit de la source, qu'une vase, desséchée et brûlante, qui garde l'empreinte des pieds des chameaux, et des chèvres, qui, s'y sont les derniers abreuvés. Le 11, nous levâmes les tentes à la lueur de 1000 étoiles qui se réfléchissaient dans les flots étendus à nos pieds. Nous descendîmes environ 1 heure les dernières collines qui forment le cap blanc Oura et Labia, et nous entrâmes dans la plaine d'Acre, l'ancienne Ptolémaïe. Le siège d'Acre, par Ibrahim Pacha, avait récemment réduit la ville en un monceau de ruines sous lesquelles 10 à 12 000 morts étaient ensevelis avec des milliers de chameaux. Ibrahim, vainqueur, est pressé de mettre son importante conquête à l'abri d'une réaction de la fortune, était occupé à relever les murs et les maisons d'Acre. Tous les jours on déterrait de ses décombres des centaines de morts à demi consumés. Les exhalaisons putrides, les cadavres amoncelés, avaient corrompu l'air de toute la plaine. Nous passâmes le plus loin possible des murs, et nous allâmes faire halte, à midi, au village arabe des eaux d'Acre, sous un verger de grenadiers, de figuiers et de mûriers, et près les moulins du Pacha, à 5 heures, nous en repartîmes pour aller camper sous un bois d'olivier, au pied des premières collines de la Galilée. Le 12, nous nous remîmes en marche avec la première lueur du jour. Nous franchîmes d'abord une colline plantée d'oliviers et de quelques chênes verts, répandus par groupes aux croissants en broussailles sous la dent rongeuse des chèvres et des chameaux. Quand nous fûmes au revers de cette colline, la terre sainte, la terre de Chanaan, se montra tout entière devant nous. L'impression fut grande, agréable et profonde. Ce n'était pas là cette terre nue, rocailleuse, stérile, cette ruche de montagnes basses décharnées qu'on nous représente pour la terre promise, sur la foi de quelques écrivains prévenus ou de quelques voyageurs pressés d'arriver et d'écrire, qui n'ont vu, des domaines immenses et variés des 12 tribus, que le sentier de roche qui mène, entre deux soleils, de Jaffa à Jérusalem. Trompé par eux, je n'attendais que ce qu'ils décrivent, c'est-à-dire un pays sans étendue, sans horizon, sans vallée, sans plaine, sans arbres et sans eau. Terre potelée de quelques monticules gris ou blancs, où l'arabe voleur se cache dans l'ombre de quelques ravines pour dépouiller le passant. Telle est, peut-être, la route de Jérusalem à Jaffa. Mais voici la Judée, telle que nous l'avons vue, le premier jour, du haut des collines qui bordent la plaine de Ptolémaïe, telle que nous l'avons retrouvée de l'autre côté des collines de Zabulon, de celle de Nazareth, et du pied du mont La Rosée de l'Hermon ou du mont Carmel. Telle que nous l'avons parcourue dans toute sa largeur et dans toute sa variété, depuis les hauteurs qui dominent Tyr et Sidon jusqu'au lac de Tibériade, et depuis le mont Tabor jusqu'aux montagnes de Samarie et de Naplouse, et de là jusqu'aux murailles de Sion. Voici d'abord devant nous la plaine de Zabulon. Nous sommes placés entre de légères ondulations de terre, à peine dignes du nom de colline. Le lit qu'elle laisse entre elles, en se creusant devant nous, forme le sentier où nous marchons. Ce sentier est tracé par le pas des chameaux, qui en a broyé la poussière depuis 4000 ans, ou par les trous larges et profonds que le poids de leurs pieds, toujours posés au même endroit, a creusé dans une roche blanche et friable, toujours la même depuis le cap de Tyr jusqu'au premier sable du désert libyque. À droite et à gauche, les flancs arrondis des deux collines sont ombragés çà et là, de 20 pas en 20 pas, par des touffes d'arbustes variés qui ne perdent jamais leurs feuilles. À une distance un peu plus grande, s'élèvent des arbres aux troncs noueux, aux rameaux nerveux et entrelacés, aux feuillages immobiles et sombres. La plupart sont des chênes verts d'une espèce particulière, dont la tige est plus légère et plus élancée que celle des chênes d'Europe, et dont la feuille, veloutée et arrondie, n'a pas la dentelure de la feuille du chêne commun. Le caroubier, le térébinthe, et plus rarement le platane et le sycomore, complètent le vêtement de ces collines. Je ne connais pas les autres arbres par leur nom, quelques-uns ont le feuillage des sapins et des cèdres, d'autres, et ce sont les plus beaux, ressemblent à d'immenses saules par la couleur de leur écorce, la grâce de leur feuillage et la nuance tendre et jaunâtre de ce feuillage, mais ils le surpassent au-delà de toute proportion en étendue, en grosseur, en élévation. Les caravanes les plus nombreuses peuvent se rencontrer autour de leur tronc colossal et camper ensemble, avec leurs bagages et leurs chameaux, sous leur ombre, dans les espaces larges et fréquents que ces arbres d'hiver laissent à nu sur les pentes des collines, des bancs de roches blanchâtres, et plus souvent d'un gris bleu, percent la terre et se montrent au soleil, comme les muscles vigoureux d'une forte charpente humaine, qui s'articule plus ensaillie dans la vieillesse, et semble prêt à percer la peau qui les enveloppe. Mais entre ces bancs ou ces blocs de roche, une terre noire, légère et profonde, végète sans cesse, et produirait incessamment le blé, l'orge, le maïs, pour peu qu'on la remuât, ou des forêts de broussailles épineuses, de grenadiers sauvages, de roses de Jéricho, et de chardons énormes dont la tige s'élève à la hauteur de la tête du chameau. Une fois une de ces collines ainsi décrites, vous les voyez toutes, à leur forme près, et l'imagination peut se représenter leur effet, à mesure qu'elle les voit citées dans le paysage de la Terre Sainte. Nous marchions donc entre deux de ces collines, et nous commencions à redescendre légèrement en laissant la mer et la plaine de Ptolémaïe derrière nous, quand nous aperçûmes la première plaine de la terre de Chanaan, c'était la plaine de Zabulon, le jardin de la tribu de ce nom. À droite et à gauche devant nous, les deux collines que nous venions de traverser s'écartaient gracieusement et par une courbe pareille, semblable à deux vagues mourantes, qui se fondent doucement et s'écartent harmonieusement devant la proue d'un navire, l'espace qu'elle laisse entre elles, et qui s'élargissait ainsi par degrés, était comme une anse peu profonde que la plaine jetait entre les montagnes. Cette anse ou ce golfe de terre, uni et fertile, formait bientôt une plus large vallée, et là où les deux collines qui l'enveloppaient encore venaient à mourir tout à fait, cette vallée se fondait et se perdait dans une plaine légèrement ovale, dont les deux extrémités aiguës s'enfonçaient sous l'ombre de deux autres rangs de collines. Cette plaine peut avoir, à vue d'œil, une lieue et demie de largeur, sur une longueur de 3 à 4 lieues. De l'élévation où nous étions placés au débouché des collines d'Acre, notre regard y descendait naturellement, en suivant involontairement les sinuosités flexibles, et pénétrait avec elle jusque dans les anses les plus étroites qu'elle formait en se glissant entre les racines des montagnes qui la terminent. À gauche, les hautes cimes dorées et ciselées du Liban jetaient hardiment leurs pyramides dans le bleu sombre d'un ciel du matin. À droite, la colline qui nous portait s'élevait insensiblement en s'éloignant de nous, et, allant comme se nouer avec d'autres collines, formait divers groupes d'élévations, les unes arides, les autres vêtues d'oliviers et de figuiers, et portant à leur sommet un village turc, dont le minaret blanc contrastait avec la sombre colonnade de cyprès qui enveloppe presque partout la mosquée. Mais, en face, l'horizon, qui terminait la plaine de Zabulon, et qui s'étendait devant nous dans un espace de 3 ou 4 lieues, formait une perspective de collines, de montagnes, de vallées, de ciel, de lumière, de vapeur et d'ombre, ordonnée avec une telle harmonie de couleurs et de lignes, fondue avec un tel bonheur de composition, liée avec une si gracieuse symétrie, et variée par des effets si divers, que mon œil ne pouvait s'en détacher, et que, ne trouvant rien, dans mes souvenirs des Alpes, d'Italie ou de Grèce, à quoi je pusse comparer ce magique ensemble, je m'écriais, c'est le Poussin ou Claude Lorrain. Rien, en effet, ne peut égaler la suavité grandiose de cet horizon de Chanaan, que le pinceau des deux peintres à qui le génie divin de la nature en a révélé la beauté. On ne trouvera cet accord du grand et du doux, du fort et du gracieux, du pittoresque et du fertile, que dans les paysages imaginés de ces deux grands hommes, ou dans la nature inimitable du beau pays que nous avions devant nous, et que la main du grand peintre suprême avait elle-même dessiné et coloré pour l'habitation d'un peuple encore pasteur et encore innocent. D'abord, au pied des montagnes, et à environ une demi-lieue dans la plaine, un mamelon, entièrement détaché de toutes les collines environnantes, sortait pour ainsi dire de terre, comme un piédestal naturel, destiné uniquement par la nature à porter une ville forte. Ses flancs s'élevaient presque perpendiculairement depuis le niveau de la plaine jusqu'au sommet de cette espèce d'hôtel de terre. Il ressemblait exactement au rempart d'une place de guerre, tracé et élevé de main d'homme. Le sommet lui-même, au lieu d'être inégal et arrondi, comme tous les sommets de collines ou de montagnes, était nivelé et aplati, comme pour porter quelque chose dont il devait se couronner quand viendrait le peuple à la demeure duquel il était destiné. Dans toutes les charmantes plaines du pays de Chanaan, j'ai revu depuis ces mêmes mamelons en forme d'autel quadrangulaire ou oblong, évidemment destiné à protéger les premières demeures d'une nation timide et faible. Et leur destination est si bien écrite dans leur forme isolée et bizarre, que leur masse seule empêche de s'y tromper, et de croire qu'ils ont été fabriqués par le peuple qui les couvrit de ces villes. Mais une si petite nation, aurait-elle jamais pu élever tant de citadelles si énormes que les armées de Xerxès n'auraient pu en entasser une seule? À quelque fois qu'on appartienne, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître une destination spéciale et providentielle ou naturelle dans ces forteresses élevées à l'embouchure et à l'issue de presque toutes les plaines de la Galilée et de la Judée. Derrière ce mamelon, où l'imagination reconstruit sans peine une ville antique avec ses murailles, ses bastions et ses tours, les premières collines montaient graduellement de la plaine, portant, comme des taches grises et noires sur leurs flancs, des bosquets d'oliviers ou de chênes verts. Entre ces collines et des montagnes plus élevées et plus sombres auxquelles elles servaient de base, et qui les dominaient majestueusement, quelques torrents écumaient sans doute, ou quelques lacs profonds s'évaporaient aux premières ardeurs du soleil du matin, car une vapeur blanche et bleuâtre s'étendait dans cet espace vide, et dérobait légèrement, et comme pour le faire mieux fuir, le second plan de montagne sous ce rideau transparent, que perçaient çà et là les faisceaux des rayons de l'aurore. Plus loin et plus haut encore, une troisième chaîne de montagnes, entièrement sombre, montait en croupes arrondies et inégales, et donnait à tout ce suave paysage cette teinte de majesté, de force et de gravité, qui doit se retrouver dans tout ce qui est beau comme élément, comme contraste. De distance en distance, cette troisième chaîne était brisée, et laissait fuir l'horizon et le regard sur une vaste percée d'un ciel d'argent pâle, semé de quelques nues légèrement rosées. Enfin, derrière ce magnifique amphithéâtre, deux ou trois cimes du Liban lointain se dressaient comme des promontoires avancés dans le ciel, et, recevant les premières la pluie lumineuse des premiers rayons du soleil suspendus au-dessus d'elles, semblait tellement transparente, qu'on croyait voir à travers trembler la lumière du ciel qu'elle nous dérobait. Ajoutez à ce spectacle la voûte sereine et chaude du firmament, et la couleur limpide de la lumière, et la fermeté des ombres qui caractérisent une atmosphère d'Asie, semée dans la plaine un camp en ruine, où d'immenses files de vaches rousses, de chameaux blancs, de chèvres noires, venant à pas lents chercher une eau rare, mais limpide et savoureuse. Représentez-vous quelques cavaliers arabes montés sur leurs légers coursiers sillonnant la plaine, tout étincelant de leurs armes argentées et de leurs vêtements écarlates. Quelques femmes des villages voisins, vêtues de leurs longues tuniques bleues de ciel, d'une large ceinture blanche dont les bouts traînent à terre, et d'un turban bleu orné de bandelettes de sequins de Venise enfilées. Ajoutez çà et là, sur les flancs des collines, quelques hameaux turcs et arabes, dont les murs couleur de rocher, et les maisons sans toit, se confondent avec les rochers de la colline même. que quelques nuages de fumée d'azur s'élèvent de distance en distance entre les oliviers et les cyprès qui entourent ces villages, que quelques pierres, creusées comme des auges, tombeaux des patriarches, quelques fûts de colonnes de granit, quelques chapiteaux sculptés, se rencontrent çà et là autour des fontaines, sous les pieds de votre cheval, et vous aurez la peinture la plus exacte et la plus fidèle de la délicieuse plaine de Zabulon, de celle de Nazareth, de celle de Saphora et du Tabor. Un tel pays, repeuplé d'une nation neuve et juive, cultivée et arrosée par des mains intelligentes, fécondée par un soleil du tropique, produisant de lui-même toutes les plantes nécessaires ou délicieuses à l'homme, depuis la canne à sucre et la banane jusqu'à la vigne et à l'épi des climats tempérés, jusqu'au cèdre et au sapin des Alpes, un tel pays, dis-je, serait encore la terre de promission aujourd'hui, si la Providence lui rendait un peuple, et la politique du repos et de la liberté. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.